Vous écoutez France Culture. Bonjour Marie-Hélène. Le Salon Noir. L'archéologie possède un immense champ chronologique. Pour autant, quand s'arrête-t-elle? Pour les uns, le terminus antequem pourrait bien être la Grande Guerre, vieille de tout juste 100 ans. Pour d'autres, elle s'arrête tout simplement hier. Aujourd'hui, pionniers, deux archéologues de l'INRAP, Vincent Carpentier et Cyril Marcigny, viennent de se pencher au travers d'un livre sur l'archéologie d'un bref et incroyable instant, celle du 6 juin 1944, du débarquement. Parce que les archéologues en retrouvent les traces, je me suis rendu sur le terrain, le front normand, sur le chantier archéologique de Fleury. Vincent Carpentier, l'archéologie du débarquement du 6 juin 1944 est-elle réellement crédible ou est-ce tout simplement un hobby? Il faudrait peut-être parler d'archéologie avec des guillemets. On a parlé aussi des nouveaux archéologues, je laisse les guillemets, en parlant de ces gens qui pratiquent le militariat, qui vont à la source pour retrouver ce qui les intéresse. Ce n'est pas du tout le propos de l'archéologie sans guillemets dont je pourrais parler aujourd'hui. Cette archéologie qui vise à documenter différentes périodes, différentes époques, différents mêmes événements, l'exemple du 6 juin en fait partie, de l'histoire des sociétés, en cherchant les traces concrètes, matérielles, les objets, et en tirant des analyses. Donc j'espère que notre analyse est et sera crédible, en ce sens qu'elle se fonde sur des problématiques partagées, notamment avec les historiens. On peut penser que cet instant, ce 6 juin 1944, est profondément inscrit dans le paysage. D'autant plus qu'ici, dans cette région normande, à côté de Caen, le paysage a été bouleversé non seulement par les aménagements, mais aussi par les destructions et la reconstruction survenue après libération. Donc cette archéologie du 6 juin, elle trouve ses prolongements dans toute cette époque de l'après-guerre. On en voit encore la trace aujourd'hui patrimoniale, le mur de l'Atlantique, les nombreux bunkers, etc. Mais également dans la topographie des villes, dans les formes de l'habitat, dans les architectures nouvelles qui ont été mises en place, en particulier ces églises reconstruites après-guerre. Alors j'ai vu qu'il y avait l'introduction de nouveaux matériaux liés justement à cette réhabilitation, à ce réaménagement du territoire, notamment des briques de papier. On fabriquait des maisons en briques de papier? Il n'en reste plus beaucoup, elles sont aujourd'hui recherchées, inventoriées, protégées. Ces constructions, qui étaient tout à fait nouvelles pour la France, avaient un but vraiment de sauvegarde, de protection des civils qui étaient démunis. Et on a introduit, en particulier les Américains, les Canadiens, un certain nombre de matériaux tout à fait nouveaux, comme ces briques de papier compressé, pour reconstruire très rapidement des bâtiments. Selon les villages ou les villes, on parle de maisons suédoises, norvégiennes, maisons américaines également. Bon, la provenance n'est pas toujours garantie par la tradition orale. Ce sont ces petites constructions dont certaines, en particulier dans les zones côtières ou dans certains faubourgs urbains, ont servi de logement quasiment jusqu'à nos jours. Ce que l'on peut dire sur l'archéologie du 6 juin 1944, c'est que ces traces sont bien sûr très visibles, mais elles s'effacent comme les mémoires. Oui, une prise de conscience s'est opérée depuis une décennie de manière très sensible. Quant à l'effacement de ce patrimoine, alors effacement qui trouve plusieurs causes, l'aménagement bien sûr du territoire, le pillage aussi. Le commerce militaria atteint notamment avec Internet une intensité tout à fait exceptionnelle aujourd'hui. On peut dire aussi que le mur de l'Atlantique est totalement grignoté. Parmi les causes de cette disparition, l'érosion des côtes a atteint tout particulièrement ce champ bétonné immense qu'est le mur de l'Atlantique. Et on voit aujourd'hui dans certaines portions de côte des bunkers qu'on jugeait indestructibles tout simplement s'effondrer, disparaître. Alors ces pertes de patrimoine bâti viennent s'ajouter aux destructions volontaires, au démantèlement surtout pratiqué dans l'après-guerre pour récupérer la ferraille, les matériaux qui ont été faits par les ferrailleurs. Et on observe aujourd'hui dans certains pans de littoral la disparition pure et simple des monuments, on peut dire, du mur de l'Atlantique. Est-ce que vous êtes un bunker archéologue? Alors moi non, bien sûr. L'expression d'ailleurs est un peu ambiguë, puisque ce mouvement fondé par Paul Virilio, vous le savez, la bunker archéologie était surtout orientée vers une conception architecturale de ce patrimoine. Ça a été très utile puisque ça a contribué à en affirmer la valeur, non seulement artistique, mais également pour nous, plus importante, historique. Donc ils ont eu un rôle vraiment important? Ils ont eu un rôle important en ce sens qu'ils ont produit une documentation et également cherché à établir une une typologie qui a évolué depuis les années pionnières de mise en place de la bunker archéologie, mais qu'on utilise encore aujourd'hui pour classifier selon des principes plutôt basés sur l'architecture que sur les concepts stratégiques militaires, classifier les différents types d'aménagements qu'on peut rencontrer. Alors cette archéologie, Vincent Carpentier, cette archéologie du 6 juin 1944, elle est née réellement quand ? En fait, l'archéologie proprement dite, dont il est question dans mon livre, est née avec la prescription par l'État de fouilles et de recherches archéologiques, sondages, enquêtes relevées. Donc il y a environ une décennie, on va dire, et il est vrai que toujours avec un effet plus prégnant dans cette région normande, les grandes commémorations, cette année le 70e anniversaire, sont le levier pour accélérer la prise de conscience et aussi les prises de décision des pouvoirs publics. Cette année, nous sommes partis sur une voie scientifique tout à fait concrète, puisque la ministre de la Culture et de la Communication a inscrit cette histoire des grands conflits du XXe siècle, et notamment de la Seconde Guerre mondiale, dans les programmes de recherche archéologique au niveau national. Vous êtes médiéviste, Cyril Marcigny, à qui vous avez signé donc un livre, est un spécialiste du néolithique et de l'âge du bronze. C'est parce que sur les grands décapages, quand vous fouillez, vous tombez de temps en temps sur des objets ou des structures de la Deuxième Guerre mondiale que vous y êtes intéressé ? C'est un élément important, puisque après plus de 20 ans de pratique, c'est constitué une base de données assez considérable sur le sujet. Bon, ce qui a fait aussi notre association, en dehors de cette expérience vécue, c'est aussi l'intérêt que nous partageons tous les deux pour l'histoire régionale. Lorsqu'elle rencontre l'histoire internationale, c'est encore mieux. Et puis, pour finir, un autre élément important qui est un petit peu plus technique dans cette fabrique d'un livre, c'est un partage des tâches. En ce qui me concerne, plutôt un rapport à l'histoire qu'il y a à ma formation, et en ce qui concerne mon camarade de Cyril Marcigny, une maîtrise du fond documentaire d'une information grise disséminée dans une poussière de rapports archéologiques depuis 20 ans qu'il maîtrise parfaitement et donc qui nous a permis d'être réactifs et constructifs sur ce sujet. Toujours est-il, est-ce que les archéologues ont les problématiques des historiens, puisque c'est capital. Fouiller pour trouver des objets n'a absolument aucun sens. Bien sûr, et ça renvoie encore à cette idée assez dépréciative des soi-disant nouveaux archéologues qui sont des chasseurs de trésors, tout simplement. L'archéologie, c'est autre chose, c'est chercher à établir un discours en liaison avec une analyse de la société, une analyse des comportements, une analyse de la durée également. On ne connaît jamais la vérité, bien sûr, à 100%, mais le but est d'y tendre. Et ces processus d'interprétation qui sont mis en œuvre dans l'archéologie sont valables pour toutes les périodes rencontrées, de même que sur des espaces géographiques très variés. Et c'est surtout ça qu'on a cherché à mettre en œuvre en rapport avec les problématiques des historiens. L'archéologie établit des faits, souvent des faits très modestes, mais des faits objectifs par rapport à l'histoire. La recherche de l'objectivité, c'est un des éléments vraiment qui nous rapproche peut-être le plus de cette enquête historique. Pour ce qui concerne tout particulièrement l'archéologie du débarquement, l'archéologie des grands conflits armés des époques modernes, contemporaines, il existe bien sûr un dossier documentaire, écrit, photographique, iconographique très important, que les historiens maîtrisent beaucoup mieux que les archéologues de par leur formation, de par leur spécialité, leur approche. Et sur ce thème précis, l'archéologue se doit d'aller vers les historiens pour être capable de développer une analyse efficace et compétente. C'est quoi l'archéologie du jour le plus long ? Alors, l'archéologie du jour le plus long, ça pourrait être considéré finalement un peu comme la dissection d'un film qu'on a tous vu et revu et qui a véhiculé beaucoup d'images d'Épinal, pour certaines totalement fausses. Cette archéologie qui vise à finalement ressusciter à partir de traces et d'observations et d'objets la vérité historique. Pour moi, l'archéologie du jour le plus long, c'est ce sable vitrifié sur les plages. Alors, c'est un des aspects d'autant plus intéressant qu'il est microscopique, cette conservation des traces des explosions meurtrières sur Omaha Beach, qui a été observée fortuitement par deux géologues américains. Et à la suite d'une analyse au microscope, ils ont observé des impacts sous forme de billes de verre, d'éléments de shrapnel, etc., microscopiques, qui sont aujourd'hui les seules traces matérielles, objectives, encore conservées sur la plage même, le musée ayant été fondé en retrait. On sait également, grâce à cette enquête, que dans un siècle, ces dernières traces auront totalement disparu sous l'action de la corrosion, de la mer, etc. Donc il y a effectivement, pourquoi pas, une dimension à la fois poétique et philosophique aussi qu'on peut accorder à ces vestiges. Et puis c'est une archéologie en négatif, c'est une archéologie du trou de bombe, du trou d'homme. l'archéologie du trou de Bond, l'archéologie aussi des traces matérielles qu'on retrouve dans ces trous. Hein. Il y a autant d'informations à retirer de tous les éléments qu'on va finalement retrouver compris dans les remplissages, dans les comblements, en négatif, dirait-on, en archéologue, que dans la cavité elle-même. Alors vous avez une photo absolument extraordinaire, une photo d'époque bien sûr, où on voit des soldats probablement américains en train de fouiller avec un panneau. Les vieux soldats ne meurent jamais, ils fouillent avec ce jeu de mots sous « to die ». To dig, c'est bien ça? Voilà, alors c'est l'obsession du soldat en campagne durant cette bataille de Normandie, c'est de creuser son abri avec différents sobriquets, trous de souris, trous de renard, tout ce qu'on voudra, pour échapper aux obus meurtriers, pour s'y reposer, s'y nourrir, s'y soigner. Ce sont des soldats britanniques, en l'occurrence, mais peu importe, c'est vraiment le symbole universel de la misère humaine hein, en période de guerre. Et on y a vu bien sûr un clin d'œil par rapport à notre métier, notre profession, et aussi l'endurance qu'il faut pour mener à bien toutes ces recherches sur le terrain. Alors si vous m'avez fait venir ici, en rase campagne, dans une sorte de grande, immense plaine, c'est pourquoi ? C'est pour vous faire observer, de façon très concrète, par le paysage. Bon, on voit ici comment ces vestiges, comment ces témoins s'organisent. On s'aperçoit très facilement qu'ils sont relativement modestes. En tout cas, pour les voir, il faut faire un effort, il faut rétrécir la focale. Donc c'est très bien que vous soyez venus jusqu'à nous pour vous apercevoir. Et puis également, ça nous permet de voir sur pièce, à l'instant de la découverte, tout simplement en quoi consistent ces vestiges du jour J, de la bataille de Normandie, on pourrait dire des guerres modernes en général. Des vestiges qu'on pourrait qualifier d'assez méprisables, voire un peu déprimants, qui sont liés pour l'essentiel, quasi pour leur totalité, à des destructions, à des décès, mais également qui remplissent une signification historique première, non seulement à l'échelle, bien sûr, des régions qui ont subi les événements, mais également à l'échelle internationale, puisque, comme vous savez, cette bataille a focalisé les énergies et statistiquement des nombres absolument considérables de soldats, de jeunes hommes venus du monde entier pour en finir avec la barbarie nazie. Alors derrière nous, une drôle de structure, une sorte de fosse remplie de pierres, assez grande, 1,50 m, 2 mètres de diamètre. Juste devant, un tout petit trou, c'est une structure pour vous? C'est une véritable structure archéologique qui pourrait être préhistorique ou de l'âge du bronze? Oui, alors le travail de l'archéologue n'est pas différent hein, pour ces périodes. Il s'agit d'établir ce qu'on appelle des stratigraphies et puis également des chronologies qui nous permettent d'analyser un site. On ne connaît pas, ou en tout cas très peu, de sites archéologiques liés à la Seconde Guerre mondiale qui soient conservés d'un seul tenant, sans que d'autres périodes puissent y être représentées, sans qu'une analyse archéologique véritable ne doive être mise en place. C'est quoi cette structure ? Ce sont des abris, des fosses quadrangulaires, en l'occurrence munies d'accès, que les soldats ont creusées pour s'y abriter. Nous nous trouvons ici sur un site de regroupement après la libération de Caen, le 17 juillet 1944, de regroupement de troupes britanniques et canadiennes qui se sont préparées à poursuivre l'offensive vers le sud en direction de la poche d'Argentan. Et on aurait pu avoir quoi comme objet ? Combien d'hommes étaient là ? Alors ça, ce sont, pour ce qui est des chiffres, bien souvent les archives historiques qui nous renseignent. L'archéologie, d'abord, ne prétend pas avoir à décaper la totalité d'un corps militaire, en l'occurrence comme celui-là. Par contre, en termes de renseignements qualitatifs sur les conditions de vie, sur le matériel mis en œuvre, sur la façon dont les soldats se nourrissaient sur le pays, la façon dont les prisonniers aussi, puisque sur ce même site, nous avons un camp de prisonniers allemands qui était occupé jusqu'en 1947, la façon dont les prisonniers ont organisé leur survie sur place, l'archéologie fournit des renseignements tout à fait précieux pour les historiens, puisqu'ils sont rarement renseignés par les sources écrites ou photographiques. Alors là, nous sommes devant une petite fosse rectangulaire, quadrangulaire, pourrait-on dire, remplie de matériel. Il pourrait s'agir éventuellement d'un trou d'homme, juste pour abriter un soldat, ou d'autre chose ? Cette fosse est trop étroite pour être un trou d'homme, un homme ne s'y logerait pas. Elle a servi de dépotoir. À l'origine, sa fonction n'est pas encore connue. Il est probable qu'après la fouille complète de la structure et du site, nous aurons des interprétations à proposer. Dans l'immédiat, ce qu'on y voit, c'est un amalgame de pièces métalliques, de bidons, de récipients, certaines pièces également liées au transport des obus qui ont été rejetées à l'intérieur. Donc on peut juste en déduire dans l'immédiat sa fonction terminale, qui est celle d'une poubelle, en quelque sorte. Donc on a sûrement nettoyé ces grands stationnements militaires pour y survivre un certain temps dans des conditions acceptables. Et puis à côté, bien sûr, des bouteilles de vin, voire de cidre, quelques conserves. Voilà, l'essentiel des objets retrouvés dans les trous d'hommes ou dans ces fosses environnantes sont liés à la vie quotidienne, à l'alimentation, et ce sont des récipients, des contenants. Alors, on voit quelques boîtes de corned beef, de singes militaires, tout à fait emblématiques, des rations de combat des troupes alliées. On voit également des bouteilles en verre, bouteilles de cidre, surtout dans la région, qui montrent bien que les soldats se faisaient abreuver par les populations libérées, et puis aussi visiter, bien sûr, les fermes abandonnées, les gravats, pour y retrouver leur subsistance, tout simplement. On a aussi quelques cas de pillage qui sont bien attestés dans la région. C'est la vie du soldat en campagne, c'est la survie sur le terrain, encore une fois, une assez belle illustration de la misère humaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est une paire de jumelles de théâtre. Voilà, quelquefois des objets incongrus. Nous évoluons là dans les contextes du milieu du XXe siècle, donc avec quand même des équipements domestiques, liés aux loisirs, techniques, beaucoup plus variés que ceux à quoi on est habitué pour les époques passées, en particulier pour le Moyen-Âge, que je connais bien, et quelquefois des objets incongrus qui nous montrent bien que des gens vivaient là une vie civile entre guillemets ordinaire, qui a été profondément bouleversée par la guerre, et que les soldats alliés, ma foi, ont vécu sur ces gravats, tant bien que mal, en exploitant parfois les ressources locales de différentes manières. La batterie de Longues-sur-Mer est peut-être le monument le plus célèbre du mur de l'Atlantique. Quelles sont les problématiques des archéologues sur ce mur ? Alors, le mur de l'Atlantique, c'est une gigantesque défense discontinue d'ouvrages extrêmement variés, qui a été mise en place dans l'urgence, avec un projet mégalomane en arrière-plan, et dont la cartographie, le recensement, a été effectué en France dans l'immédiate après-guerre par la marine, avec des impératifs d'une part liés à la reconstruction du pays, c'est-à-dire clairement à la récupération de matériaux, et d'autre part à l'utilisation stratégique de certains sites. La batterie de Longue en faisait partie. C'est la seule batterie de la région à avoir conservé ses pièces d'artillerie. Et il est certain qu'elle constitue de ce fait à la fois un site patrimonial touristique aujourd'hui très important, et puis également un focus pour les archéologues, parce que on en connaît les casemates, mais on n'en connaît encore pas à ce jour tous les réseaux constitutifs, les différents réseaux de défense très complexes. Alors les archéologues sont, lorsqu'il s'agit d'étudier le mur de l'Atlantique, concernés d'une part par cette nécessité du recensement exhaustif et de l'identification des vestiges, encore une fois on est loin de les connaître tous, et puis d'autre part par l'étude de certains sites en profondeur, j'ai envie de dire, des parties enfouies, de façon à obtenir aujourd'hui une documentation scientifique complète qu'on puisse exposer au grand jour, exposer au public. Donc on fouille de la casemate. On fouille de la casemate, on la relève, c'est une archéologie du bâti qui recèle un certain nombre de trésors informatifs, aujourd'hui peu connus, des fresques, des inscriptions, différents éléments qui ont été laissés soit lors des chantiers de construction, l'organisation TOT ou des troupes de marine en ce qui concerne la Kriegsmarine, en ce qui concerne cette batterie de Longue tout particulièrement, et puis également des inscriptions laissées par les soldats qui y ont séjourné, laissées par ceux qui les ont capturés et libérés, et laissées aussi par les civils. On parlait du sable vitrifié des plages de Maha Beach. Quelles sont les traces archéologiques du jour J ? Elles sont très ténues. On trouve avant tout des trous d'hommes, emblématiques de la vie du combattant. On trouve aussi des grands aménagements logistiques qui sont beaucoup plus rares, qu'on a surtout fouillés autour de Bayeux, mais également dans toute la région et au-delà. Je pense par exemple aux rampes de lancement de missiles V1. Je pense également aux aménagements littoraux, portuaires, à des stations ferroviaires, des hôpitaux de campagne, etc. On le sait, des planeurs ont eu un rôle très important dans ce débarquement. Vous en avez retrouvé ? On a effectivement retrouvé, parmi ces témoins du jour J, parce qu'on sait qu'ils ont été utilisés le 6 juin, bien sûr dans les jours qui ont suivi, mais le 6 juin en particulier, des éléments provenant de planeurs britanniques, des planeurs Orsa, qui constituent en matériologie, en bois, en toile, etc., qui sont venus acheminer la 6e division aéroportée britannique sur la tête de pont est du débarquement, entre l'Orne et la Dive, bien sûr qu'on connaît surtout aujourd'hui à travers une documentation, des mémoires de combattants, une documentation militaire très fournie. Vous avez même trouvé des éléments de parachute. Des éléments de parachute américains, ceux-là, qui proviennent donc de la tête de pont ouest opposée dans la Manche. Donc des sangs qui sont représentés dans le livre, d'autant plus intéressantes qu'elles ont été sectionnées. C'est-à-dire que le parachutiste a touché le sol et a coupé son parachute pour partir en opération. Et puis les fameux petits crickets, ce que l'on voit dans le jour le plus long, bien sûr. Les très fameux crickets américains, qui étaient utilisés uniquement par les troupes aéroportées américaines pour se repérer dans la nuit. C'est amusant, à titre d'anecdote, ces éléments, puisque l'archéologie et les collectionneurs les retrouvent bien sûr en territoire d'opération américain et uniquement, ce qui montre bien leur appartenance exclusive à ces unités. Mais dans les souvenirs des civils, alors qu'il y avait une dizaine d'années à l'époque, on en a également une pléthore d'attestations imaginaires dans les secteurs parachutistes britanniques, alors que les Britanniques n'ont pas utilisé ces fameux criquets. Ces criquets, c'était une sorte de petite plaque métallique qui faisait un petit bruit afin de se reconnaître. Voilà, c'est le fameux clic-clac tenu avec deux lames métalliques qu'on coince entre le pouce et l'index. D'ailleurs, on a connu ça sous forme de jouet très longtemps, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et donc, qu'on a pu, selon la petite histoire, tragiquement confondre avec le bruit de l'armement d'un fusil. Est-ce que vous avez fouillé des aérodromes ? Alors, a été fouillé dans la région de Bayeux, dans le Calvados, a été fouillé effectivement une portion d'aérodrome. Alors, il faut savoir qu'il existait un grand nombre de pistes aériennes regroupées dans de très grands aérodromes autour de Bayeux, dans cette partie centrale de la Basse-Normandie, à partir de laquelle rayonnaient d'une part les appareils de la Royal Air Force britannique et d'autre part les appareils de l'US Air Force américaine vers l'ouest. Et cet élément a consisté pour nous à dégager et a fouillé intégralement une fraction de pistes aériennes dites de secours, qui faisait partie donc d'un beaucoup plus vaste complexe, et puis des éléments logistiques associés à la piste, casernement, aménagement de voiries, etc. Alors la personne qui fouille juste la fosse d'à côté, sorte de structure un peu curieuse, vient de sortir une sorte de gros tube. Vous sauriez ce que c'est que ce gros tube ? À première vue, ce gros tube ressemble à une douille d'obus du fort calibre d'artillerie. Bon, il faut savoir qu'on se situe ici donc au sud de Caen, dans cette plaine à partir de laquelle ont été déclenchées au milieu du mois de juillet les grandes offensives de blindés vers le sud en direction de Falaise puis d'Argentan, offensives extrêmement meurtrières. Donc on a utilisé des préparations d'artillerie très très puissantes pour permettre l'avancée des blindés, ce qui n'a pas d'ailleurs empêché des pertes très lourdes. Alors c'est toujours une sorte de structure quadrangulaire, une sorte de petit abri, on voit même les poutres de bois. Oui, cet abri était couvert donc de sections de poutres et puis d'un assemblage d'ardoises et de fibres au ciment qui permettait aux soldats d'avoir quand même un confort relatif, mais certainement plus appréciable que ce qu'ils avaient connu pendant les périodes de combat précédentes. Vincent Carpentier, cette archéologie du jour J, c'est aussi une archéologie sous-marine ? Oui, qui est pratiquée par des plongeurs qualifiés, puisque c'est un exercice un peu difficile dans ces eaux de la Manche qui sont troubles et fraîches, mais d'autant plus utile qu'un certain nombre de sites, et au tout premier chef, le port artificiel Mulberry Bay d'Arromanche, qui est aujourd'hui en cours de classement au patrimoine de l'UNESCO, est entièrement conservé. Et toutes ces structures sont immergées sur le bord de la Manche, forment un complexe absolument immense, dans lequel ont été coulés délibérément un certain nombre de navires pour servir de brise-lames, et puis également dans lequel ont coulé de façon moins délibérée, à l'intérieur et autour du Mulberry, d'autres bâtiments lors du débarquement et dans les temps qu'on suivit. Des chars, etc. Des chars, des navires, des sous-marins également, allemands. Et c'est un gigantesque travail de cartographie, de recensement qui est en cours depuis quelques années seulement. Alors, piloté à l'échelle de l'État, à l'échelle nationale par le DRASM, mais très concrètement réalisé par des équipes de bénévoles et également en rapport avec la participation extrêmement importante de sociétés spécialisées dans la prospection sous-marine qui disposent de moyens d'ingénierie sans lesquels il sera impossible de mener à bien ces missions. Que dire des civils sous les bombes, des civils qui se réfugient forcément dans des abris de fortune ? Oui, ces malheureux civils qui constituent, je dirais, la part la plus douloureuse, sans doute, de l'histoire de ces conflits. Une histoire muette en termes d'archéologie, mis à part l'exploration, notamment ici, à Fleury-sur-Orne, au sud de Caen, de grandes carrières de calcaire qui ont servi de refuge pour des centaines de familles qui sont venues s'y abriter et dans lesquelles on connaît aujourd'hui certains refuges, certains aménagements de petites maisons, pourrait-on dire, souterraines, complètement conservées en l'état, dont on va organiser dans les mois qui viennent, pour la première fois, un relevé exhaustif à partir de méthodes d'enregistrement 3D. Une sorte de caverne relevée un peu comme Lascaux ou Chauvet, c'est ça ? Avec des objets tout à fait étonnants, des tricycles d'enfants ? Tout à fait. Alors les inscriptions mises à part, puisqu'on n'est pas ici confronté à des systèmes de fresques, d'inscriptions, mais bel et bien à des vestiges laissés sur place, abandonnés sur place. Des vestiges qui sont liés à des formes d'ameublement rudimentaire, des paillasses, des lits, des moyens de chauffage. Quelquefois, un gramophone récupéré pour agrémenter ces heures interminables d'attente sous les bombardements. Et puis, très émouvant, oui, ces jouets d'enfants, tricycles, albums de coloriage, abandonnés sur place, qui nous montrent bien de quelle réalité douloureuse il s'agit. Le jour J, c'est 200 000 morts. En retrouvez-vous ? Plus beaucoup aujourd'hui, parce que dans les années, la décennie qui a suivi la libération, la plupart des corps ont été regroupés, d'abord dans des cimetières provisoires, puis progressivement dans les grands cimetières mémoriaux qu'on connaît aujourd'hui, organisés par nation en différents points de la région. Ceci dit, les archéologues, de par le caractère dispersé et fortuit de leur intervention, je parle des archéologues en archéologie préventive, qui viennent donc travailler sur des sites en cours d'aménagement, quelquefois découvrent des corps de soldats ou de civils qui ont été abandonnés, perdus. Et dans ce cas précis, leur contribution, tout d'abord ce qu'on appelle le relèvement du corps, la procédure de relèvement du corps, puis dans un deuxième temps à l'identification lorsqu'elle est possible, n'est pas véritablement aujourd'hui pensée, organisée par le législateur. Et il est vrai que de la profession émane aujourd'hui le souhait de s'impliquer peut-être davantage lorsque l'occasion s'en présente dans ce type de procédure. Il y a les morts et puis il y a bien sûr aussi les prisonniers et la gestion donc de tous ces hommes. Nous sommes aujourd'hui à Fleury sur une situation de la sorte. Oui, à Fleury, un camp de prisonniers, tout d'abord britanniques, puis très rapidement, au fur et à mesure que l'offensive s'est développée, confiée aux autorités françaises, des prisonniers allemands, alors ici comme à travers tout le territoire national, jusqu'en 1948, des prisonniers allemands ont été tout d'abord arrêtés sur place et maintenus sur place, mais également rétrocédés, pourrait-on dire, à la France par les Alliés à partir des immenses camps de regroupement formés en Allemagne. Et ils ont servi au déminage. Donc, c'est une histoire peu renseignée par les sources officielles, assez douloureuse elle aussi bien sûr, puisqu'ils ont souvent œuvré à côté des civils, et les accidents ont concerné aussi des civils, ont concerné aussi des soldats français sur la côte ici du Calvados. En tout cas une histoire qui reste assez largement à écrire, et ils ont servi à trier les déblais et à organiser la reconstruction des villes qui ont été rasées par les bombardements, tantôt des forces allemandes et tantôt également des forces de libération. Vincent Carpentier, vous me parliez des déblais. Justement, vous avez testé, fouillé le Grand Hôtel de Cabourg, lieu de villégiature des officiers de la Wehrmacht. Oui, comme toutes les rivieras, bien sûr, situées sur les zones de combat, le Grand Hôtel de Cabourg a servi, a été réquisitionné de force, bien sûr, et a servi au repos des troupes allemandes. Ce que j'ai découvert lors de diagnostics archéologiques, c'est à la périphérie de cette petite station balnéaire, de grandes étendues de gravats provenant de cet hôtel et des grands hôtels de luxe qui l'environnaient, des remblais qui ont été apportés après-guerre par les populations lors de la reconstruction et qui contenaient des ustensiles de cuisine, bien sûr, des restes alimentaires et de la vaisselle estampillée qui nous a permis d'identifier ces grands établissements. Vincent Carpentier, qu'est-ce que l'archéologue peut comprendre de ce 6 juin 1944 sans l'histoire ? Sans l'histoire, pas grand-chose. J'ai envie de vous répondre que l'archéologie sur ce chapitre est une fille cadette de l'histoire. Ça ne pose aucun problème aux archéologues scientifiques aujourd'hui qui sont sur ces sites très particulier, encore minoritaire, ils le resteront certainement, des chercheurs formés à l'histoire, sans pour autant bien sûr être des spécialistes, et qui donc ils sont tout à fait capables et désireux de partager leurs recherches et également leurs problématiques avec les historiens et également les ethnologues et toute autre personne investie dans l'étude de ces périodes complexes. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Vincent Carpentier et Cyril Marcigny, Archéologie du débarquement et de la bataille de Normandie, édité par Ouest France. Rappelons aussi que ce week-end s'ouvrent les journées nationales de l'archéologie, plus de 1000 manifestations à travers la France pour découvrir l'archéologie en train de se faire. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Guilain Meige, attaché d'émission Catherine Donnet. Mais dans quelques instants, pas la peine de crier, de Marie Richeux.